vous saluer. Le plaisir est le mien de me retrouver encore face à vous, après un petit repos, une petite détente. Comme vous le constatez, le background, là, je suis carrément en contact avec la mère nature. Je sors à peine de mes méditations. Et après une bonne petite conversation, j'ai eu une petite conversation avec mes enfants là. Et nous parlions de tout. Nous parlions de tout et de rien. Et pendant que nous parlions, cette question m'est venue à l'esprit. Nous parlions de nos histoires dans la spiritualité parce que c'est l'un de mes disciples, mon fils, qui s'intéresse de loin et de près à la spiritualité. Donc, voilà comment les maîtres m'ont insufflé ce titre. Il était même surpris, il dit « Ah, ben maître, il a fallu que vous m'appeliez pour que les maîtres vous inspirent de ce dont nous allons parler. » Et effectivement, je lui ai dit, voilà, il a découvert que à chaque fois que je viens vous parler, je ne me prépare pas. C'est au cours de ma méditation, comme vous le constatez, voilà, autour de moi. Et je suis en train de jeter à la forêt. Ne soyez pas scandalisés. Vous voyez, ça c'est mon arme hein, qui est avec moi là. Et j'étais donc dans la forêt. Et voilà les fruits que je suis en train de manger. Voilà. Ce sont les fruits là que j'étais en train de consommer. Donc pour vous dire que je sors droit de la forêt derrière moi. Et là, je suis maintenant à l'intérieur de la parcelle. Il y a une entrée là qui nous permet d'avoir accès. Donc, vous avez vu la question sur l'écran. La question, c'est, y a-t-il une différence entre l'éveil de votre conscience et la transformation? Voilà le fruit en question. Y a-t-il une différence entre l'éveil de votre conscience et votre transformation? C'est un sujet qui n'était pas préparé, comme je vous l'ai dit. Mais nous allons quand même parler de ça ensemble. Si vous avez des questions, vous serez autorisé à poser des questions. Le temps pour vous d'inviter le maximum de personnes. Je vous accorde encore 3 minutes. Invitez le maximum de personnes. Pendant que j'essaie de déguster, je ne sais pas si vous connaissez le nom de ce fruit là, c'est très beau. Et je l'ai eu de la forêt là-bas. Bien. La question, nous allons l'aborder ensemble. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre l'éveil de votre conscience et votre transformation? Avant de parler de différence, d'abord, soyez tous salués. Merci, comme je n'avais tué personne là, je vois un Fundumbongo. Bonsoir. Et je vois encore qui là? Mbote, Mbote Nayo. Je vois Yohan Tapoyo, bonsoir. Bernardo, mon fils est là, voilà, c'est avec qui je changeais tout à l'heure, il est présent. Sephora est là. Afro Clean est là. Andrea Rengila est là. Carlin Van est là. Hakan Niels est là. Waouh, tout le monde est rentré, hein? Ok. Bien. Que chacun de vous invite au moins 5 à 10 personnes. On va donc aborder ce sujet. Parce que je vous avais dit, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est peut-être mon dernier live, là, sur le hibou. je vous prie de suivre, hein, c'est vraiment intéressant. Parce que en moins de 5 heures, on a déjà dépassé les 3000 vues. C'est vraiment intéressant de voir que les gens s'intéressent beaucoup à l'enseignement sur le hibou. Mais là, je ne viens pas vous parler du hibou. Je viens vous parler plutôt de l'éveil de votre conscience et de la transformation. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup parmi vous qui m'ont posé cette question et ceci ressort de la conversation que j'ai eue avec l'un de mes enfants qui nous suit en ce moment. Et la conversation était autour de pas mal de choses entre le maître et le disciple. Vous êtes d'avis avec moi que l'éveil de la conscience, d'abord, tout le monde devait le savoir, que l'éveil de la conscience, ça vient du terre à terre, comment éveiller votre esprit. En fait, c'est ça. Hein? Si on ne dit pas éveil de la conscience spirituelle, on dira éveil de votre esprit, n'est-ce pas? C'est ça. Mais qu'est-ce qui éveille l'esprit de quelqu'un? Nous sommes tous d'accord que ce qui éveille notre esprit, c'est la curiosité d'abord intellectuelle. Donc, on prend connaissance de pas mal de connaissances. Donc, on fouille à gauche, on fouille à droite. Là, j'étais en train de lire un vieux document là, qu'un ami du Vatican vient de m'envoyer. Je lui ai demandé de m'envoyer ça parce que j'ai entendu parler de cette affaire-là. Mais je ne veux pas exposer ça au public. C'est un document qui date des années 685. Les massacres qui se faisaient au niveau des gens qu'on appelait les Gaulois. Avant que le peuple gaulois ne soit gaulois, qu'est-ce qui s'était passé en 685 et par coïncidence, un an plus tard, avec l'arrivée de l'islam. Donc, c'est un document secret qui m'a été faxé là. Si vous allez je l'ai avec moi, je suis en train de l'étudier, je prépare un enseignement dessus. Ça fait partie de l'éveil de la conscience. Ça fait partie de l'éveil de votre esprit, de votre esprit à vous. Parce que l'éveil de la conscience passe par les connaissances. Vous avez accès aux connaissances, soit des connaissances livresques, soit des connaissances de bouche à oreille. On vous donne une information, ok? On vous donne des informations qui peuvent passer soit écrites, là, tout est là-dedans, et pourtant c'est une page, hein? Mais cette page à elle seule m'a donné le maximum d'informations dont j'avais besoin. D'accord? Ça fait partie de l'éveil de la conscience. Mais il y a également des connaissances qu'on partage, comme tout à l'heure, je parlais avec mon fils, là, on s'échangeait. Ça, c'est aussi l'une des voies par lesquelles on peut avoir accès à la connaissance. Donc, on donne l'information de bouche à oreille. Voyez-vous? Et ça a été toujours comme ça en Afrique. Donc, l'éveil de la conscience veut dire tout simplement que votre esprit n'est plus dividi. Pardonnez-moi, chez nous au Gabon, on a une expression qui dit « vous pensez que moi je suis un dividi ?» Dividi, en fait, ça n'a rien à voir avec individu. Dividi veut dire quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui est relégué carrément aux abois de l'ignorance, rejeté à la poubelle de l'ignorance, quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Voyez-vous? Or, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous voulez apprendre, vous voulez connaître, Même si vous n'avez pas fait le banc de l'école, apprendre n'est pas nécessairement aller à l'école de l'apprentissage, ne veut pas nécessairement dire écrire, savoir lire et écrire. Vous pouvez ouvrir votre oreille et écouter. Nos ancêtres, c'est comme ça s'est passé. Voyez-vous, la plupart des connaissances au niveau de nos ancêtres passaient de bouche à oreille. Et c'est là qu'on profitait. Moi, je m'en souviens avec mon grand-père, autour du feu, on est assis. Donc, l'éveil de la conscience veut dire simplement, c'est le fait de réveiller votre esprit. Et quand on parle de réveiller votre esprit, c'est partir de l'état d'ignorant que vous étiez et découvrir des choses qui vous paraissaient floues, d'avoir une lumière dessus. Dans tous les domaines de la vie. Oh, mais moi, je ne savais pas. Ben, maintenant, tu le sais. Oh, mais moi, je ne connaissais pas ça. Maintenant, tu connais. Donc, au fur et à mesure, ces connaissances-là vont faire de vous de quelqu'un qui est éveillé. N'avez-vous jamais entendu parler de... Ah, moi, mon fils, là, il est... Non, il est trop éveillé, pardon. Il faut faire attention à ce qu'on dit au téléphone. Il est trop curieux. Donc, voilà. Un éveillé, c'est aussi quelqu'un de curieux. Curieux dans le sens positif, non pas dans le sens négatif. Hein, parce que vous n'allez pas être curieux des affaires qui se passent à la présidence de la République gabonaise de manière négative à chercher à savoir le business qui se passe ou bien ce que les gens se disent. Ça, ce n'est pas votre business. Mais vous pouvez par contre être curieux de savoir comment le gouvernement est géré, comment la présidence gère, comment la présidence a des plans d'action pour transformer le pays, ainsi de suite. Ça, c'est la curiosité intellectuelle positive, non pas une curiosité de dénigration ou d'insulte, de manque de respect. Ça n'a rien à voir. Bon, bref, sur le cadre de notre sujet donc, que je n'ai préparé, je vous signale, puisque ça, je vous dis, vous poserez des questions. Alors, je suis en train de rentrer en communion avec mes ancêtres, avec mes génies, et ils m'ont dit qu'il faut que je parle de ceci. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, rassurez-vous, on assiste à une grande... surtout depuis que l'Internet nous permet de venir dire tout ce que nous pouvons dire, que ce soit quelque chose de beau ou quelque chose de mauvais. Donc, il y a des gens qui viennent dire n'importe quoi. Parfois, leurs connaissances ne sont même pas soutenues. C'est des connaissances du verbiage, des choses qu'ils inventent. Par contre, il y a d'autres soucieux de transmettre la vraie information, la preuve, voilà pourquoi il faut toujours des documents. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, vous-même, vous allez vérifier dans certains documents si ce que je partage avec vous s'avère vrai ou bien s'avère fait ce qu'on appelle le common sense, c'est-à-dire que est-ce que vraiment ça a un sens. Bien, vous êtes d'accord avec moi que quand on dit l'éveil de la conscience, ça veut dire on réveille votre esprit, c'est-à-dire votre curiosité, la soif de votre curiosité a atteint, n'est-ce pas, un niveau de satisfaction. Vous êtes satisfait. Mais cette satisfaction, elle n'est pas une satisfaction éternelle parce que au fur et à mesure, vous allez toujours chercher à savoir. Par exemple, là, vous voyez derrière moi, il y a un background. Mais pourquoi il y a des barrières autour? Mais pourtant, il est sous les arbres. Vous voyez, ça attire votre curiosité. Bon, pour votre information, il y a cette barrière-là. Pourquoi? Parce que derrière, les gens jouent le golf. C'est un terrain de golf qui est implanté dans la forêt. Voyez-vous? Et il y a des oiseaux, il y a des espèces pour protéger. À partir du mois de novembre, vous verrez, il y a les antilopes d'ici qu'on appelle des deer qui vont sortir. Les antilopes sauvages, les antilopes d'eau, toutes sortes de là qui vont sortir. D'autres bêtes également sortent. Parfois, les ours sortent. Donc, voilà pourquoi on a mis ces barrières-là. Donc, tout ce qui vous frappe à l'œil attire un esprit de curiosité, vous pousse à vous poser des questions. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, éveille votre conscience, éveille votre esprit. Donc, l'éveil de votre conscience. Je ne fais que le répéter depuis le début. Il faudrait que nous soyons déjà en accord là-dessus, puisque je vous permettrai de poser des questions. Donc, pour me résumer déjà sur l'éveil de la conscience, c'est qu'on tombe tous d'accord que l'éveil de la conscience est égal à l'éveil de votre esprit, c'est-à-dire vous refusez d'être ignorant. Vous refusez d'être ignorant, mais vous progressez pour être connaisseur. Vous voulez devenir un connaisseur. Voilà. Quelqu'un qui est éveillé, dont la conscience est éveillée, est un connaisseur. Donc, revenons sur les réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous avons Instagram. J'ai discuté tout à l'heure avec ma fille créole, là, où je lui disais, mais écoute, avec près de... Bientôt, tu vas atteindre 2 millions d'abonnés, là, sur ta page Facebook. Mais, mon Dieu, il faut penser à ton papa. Donc, on blaguait. Elle me dit, oui, papa, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Instagram. J'ai dit, mais moi, je ne savais pas. Moi, j'ai désactivé mon compte Instagram où j'avais près de 15 000 abonnés. Elle dit, oh, il faut réactiver. Bref, ça, c'est autant de moyens à travers lesquels nous faisons passer des messages. Pour ceux qui ont la connaissance, que ce soit une connaissance artificielle, d'intelligence artificielle, donc de la haute technologie, qui parfois reste à vérifier. Parce que, rassurez-vous, c'est pas tout ce que les médias disent là qui est la vérité. Hein? Parce qu'il y a parfois de l'exagération. Je m'en souviens, je discute avec des jeunes étudiants américains, et puis je leur pose la question directe. L'Égypte se trouve où? Ils me disent, non, l'Égypte c'est un pays et ce sont des Blancs. Eh bien, voilà un enfant noir qui est dans le groupe d'étudiants qui dit, non, l'Égypte c'est l'Afrique. Les Égyptiens sont des Africains. Mais le petit Blanc, lui, dans sa tête, il vient d'une famille raciste. Lui, il dit, non, c'est faux. Et quand il voit les films sur Moïse et tout, on lui montre une Égypte blanche. Donc, ça crée un débat. Alors, pour faire taire le débat, je leur ai dit, please, can you bring up the globe? Can you bring up the globe? Donc, je leur ai demandé de m'amener la carte du globe terrestre. J'ai dit, alors, situez-moi l'Afrique. Oh, tout le monde a gagné, juste. Et j'ai demandé le petit Blanc pour le tester. J'ai dit, montre-moi l'Égypte sur la carte. Puisque tu es en train de dire à l'autre que l'Égypte, ce n'est pas un pays africain, donc ça n'appartient pas aux Noirs. Situe-moi, donne-moi la situation géographique de l'Égypte. Il était embêté, il était gêné. Et voilà un autre petit Blanc qui vient et dit, non, voilà l'Égypte. L'Égypte est située où? Il dit, au nord de l'Afrique. Le nord de l'Afrique, est-ce que c'est l'Afrique ou c'est l'Europe? Il dit, non, c'est l'Afrique. Donc, conséquence, si déjà en mathématiques on dit que A est en relation avec B, B en relation avec C, A sera en relation avec qui? Est-ce que A va être en relation avec D ou en relation avec C? Si B est en relation avec C et que A est en relation avec B, ça veut dire que A est en relation avec qui? En relation avec C. Donc, la loi de la relativité veut dire tout simplement, dans ce cas de figure, puisque l'Égypte est à l'Afrique du Nord, donc l'Égypte c'est un pays africain. L'Afrique du Sud est où? Voilà, ils ont montré. Vous voyez, c'est un exemple simple pour vous dire qu'il y a des gens qui peuvent vous faire véhiculer des connaissances sur l'Internet bourrées de mensonges parce qu'ils veulent du sensationnel, parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Il y a ce qu'on appelle des blogueurs. Des blogueurs. Il y a ce qu'on appelle des animateurs. Il y a des actes. J'ai un groupe de jeunes gabonais là. Moi, j'aime suivre ça. Ça s'appelle même comment là Oh, c'est né. Merde, ils sont beaucoup suivis même en Afrique de l'Ouest. Mais chaque fois qu'ils sortent, il y a un gars très court, petit de taille, et l'autre qui est très mince, bizarre, et l'un qui est costaud, musclé. Alors, ces trois jeunes Gabonais, je vous dis, en 14 heures, j'ai suivi l'une des vidéos, qu'en 14 heures, ça atteint déjà près de 2 millions de vues. Je dis, mais comment ils font ces mecs-là? Mais parce qu'ils sont beaucoup appréciés. Ils sont beaucoup suivis à travers le monde. Voyez-vous, ils font passer des messages. Voilà, Chan TV, merci beaucoup. Chan TV, c'est le nom. Ils sont très amusants. Là, je suis en train de suivre une partie où le titre, c'est « Il faut éviter de draguer la femme du voisin ». Donc, l'un qui est la femme qui va prendre la douche et puis l'autre le masque. Mais je vous dis que moi, c'est ce qui fait mon temps, je ne vous cache pas. S'il y a de l'humour, et pourtant j'avais l'habitude de suivre les films américains ici qui me font rire, mais depuis que j'ai découvert ces jeunes-là, de Sean TV, ils passent... Non, mais ce n'est pas possible. Je m'éclate, même si je suis un petit stress. Mais je vous dis que dès que je suis ça, je me détends. Et en plus, ça dure seulement entre 3 à 5 minutes. Ça ne dure même pas longtemps. Et c'est ce qui est intéressant. Parce qu'ils vont droit à l'essentiel. Donc, allons-y droit à l'essentiel, parlant de l'influence des réseaux sociaux ou des médias. Ce n'est pas tout ce que les médias vous balancent qui est forcément vrai. La preuve en est que le débat même autour de l'Égypte, autour de l'Égypte antique, autour du peuple kémite, il y a des jeunes, chacun vient avec ses connaissances. Quelqu'un va vous parler des Kouchites, quelqu'un va vous parler des kémites, quelqu'un va vous parler des kamites, l'autre dira kémite. On a transformé kamite, on est parti de kam, c'est devenu kem, on est parti de... Donc ça, parfois ça sème la confusion. Mais bref, écoutez, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté de faire passer les connaissances. Alors, voilà pourquoi, sous le sceau de mes grands maîtres invisibles, j'aimerais ici m'assurer que ce que je partage avec vous ne puisse pas offenser quelqu'un. Ça, c'est de un. je veux m'assurer que ce que je dis ici doit sûrement mettre tout le monde en accord total que ce que je dis est bien fondé. Donc, on est tous d'accord que quelqu'un qui a la conscience éveillée, c'est quelqu'un dont l'esprit est éveillé. Et cet esprit est éveillé à base des connaissances que la personne reçoit. Nous sommes déjà d'accord sur ce point. On ferme le chapitre sur l'éveil de la conscience. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la question fondamentale, quelle est la différence entre l'éveil de la conscience et la transformation? Et quand on parle de transformation, il s'agit de la transformation de l'individu qui est engagé dans l'éveil de la conscience. Maintenant, je veux parler de la transformation. Qu'est-ce que c'est la transformation? La transformation, comme le mot le dit, vient du verbe transformer. Et en latin, transformare. Transformare en latin veut dire aller de cycle en cycle de mutation. Ces cycles de mutation créent des changements qui parfois peuvent prendre du temps et parfois ça peut aller aussi très vite. Voilà le mot transformation. D'accord? Donc, la transformation dans le plan spirituel veut dire tout simplement que votre être à vous, votre personnalité, voilà la transformation. La transformation a trait avec votre personnalité. Il y a une différence entre vous en tant que personne individuelle et la personnalité. Là, ça n'engage que moi. Je n'ai pas consulté le dictionnaire, donc vous êtes libre d'être d'accord avec moi ou pas. La personnalité, donc, pour moi, dans ma compréhension mystico-spirituelle, c'est l'expression de votre personne intérieure, elle s'exprime maintenant à l'extérieur. Voilà pourquoi vous verrez que votre personnalité, sûrement vous allez entendre parler de ce genre d'expression, mais c'est bizarre que votre personnalité ne reflète pas qui vous êtes. Alors là, on parlerait des clowns, on parlerait des acteurs. Voyez-vous, on parlerait des acteurs par exemple. Un acteur, j'ai été approché par certains amis qui font des films, me disent, mais vraiment, monsieur Onouvier, vous avez tout pour pouvoir être un acteur. Mais un acteur, c'est celui qui est capable, oui, bonjour mon fils Kobolo, c'est celui qui est capable donc de non seulement, de par sa nature, capable de s'adapter à toute réalité de la vie, de s'adapter à tous les rôles qu'on peut lui proposer. Je suis quelqu'un de nature très gentil, approchable, et un moment même on me disait trop bon, trop couillon, mais j'ai mes défauts à moi. Mais on peut me donner le rôle d'un film où je suis un sorcier. Ceux qui ont vu mon profil WhatsApp ont dit, mais maître, non, non, non, non, non, non. Comment vous allez mettre le profil d'un vieux papa bizarre, méchant, un grand sorcier comme ça? Voyez-vous, ça choque les gens parce qu'ils sont habitués à voir monsieur Onouvier souriant dans une photo où il est beau à voir, attirant et ceci et cela. J'ai dit non, c'est pour essayer un peu de décourager les petites qui aiment me draguer là sur les réseaux sociaux. Bref, la personnalité donc est le reflet de votre personne intérieure. La personnalité devait être normalement le reflet de l'éveil véritable de votre conscience, de l'éveil de votre esprit. Car, là je vais voir, je vais maintenant vous mettre le parallèle, y a-t-il une différence, oui ou non? Vous aurez la réponse. L'éveil de votre conscience, c'est l'éveil de votre esprit. Donc, vous êtes éveillé, vous connaissez. Non, on a dit que, par exemple, pour me protéger d'un grand sorcier qui me veut du mal, je dois mélanger l'ail avec le vinaigre, comme je vous l'ai montré il y a une semaine et demie, bientôt deux semaines. D'accord? Ça fait partie de l'éveil de votre conscience. Mais est-ce que le fait que vous connaissiez cette recette-là, est-ce que cela veut dire par là que vous êtes quelqu'un qui a une personnalité positive sur les autres? Pas nécessairement, je ne crois pas. Donc, la personnalité peut avoir un double reflet. C'est-à-dire que la personnalité peut être la personne cachée qui est en vous, donc vos défauts, ça se voit à travers votre personnalité. Vos qualités se voient à travers votre personnalité. Donc, je peux dire que la personnalité est le reflet de qui vous êtes. Mais pas nécessairement. Parce qu'il y a des gens qui ont des personnalités doubles. Voilà pourquoi j'ai inclus l'affaire d'être acteur. La plupart des acteurs à Hollywood, je vais vous citer le cas d'un acteur que j'aime bien, Washington Denzel. Ce monsieur, dans sa nature, Il est très comique, trop sympa. Il dégage une aura vraiment très forte. J'ai eu le privilège, non pas d'être dans sa maison, non. Et il était en train de tourner un film quelque part. Et pendant les pauses, les gens, les fans passaient par là. Et je vous jure que, et pourtant il était loin de moi, il a des gardes, rien, un gars très gentil, mais les gens ne nous autorisaient. Mais quand je l'ai vu, c'est quelqu'un de différent. Et j'essaie de lire sa biographie, j'essaie de lire son histoire. Il est différent de celui que vous voyez dans les films, en train de tirer, en train d'égorger les gens. Donc, votre personnalité peut être mensongère. Votre personnalité peut être double ou trompeuse. Alors, il y a une grande différence entre l'éveil de votre conscience, qui est l'éveil de votre esprit, c'est-à-dire vous avez emmagasiné des connaissances, vous avez eu accès à des connaissances qui, certainement, ces connaissances peuvent soit vous transformer dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Mais la transformation, c'est tout simplement la mise en application de véritables connaissances que vous avez testées, la mise en application des principes immuables ou des lois de la nature, l'observation des assises initiatiques, des interdits qu'on vous donne, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et c'est ainsi que ça vous transforme. Ça dit, ça change votre vie. C'est ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Cette alchimie spirituelle, c'est quoi? C'est tout simplement les grandes connaissances que vous avez accumulées au cours de l'éveil de votre conscience. Maintenant, au cours de l'éveil de votre conscience, vous avez toute une armure complète de connaissances. Mais est-ce que ces connaissances font de vous vraiment une personnalité attrayante? Ça peut être une personnalité plutôt bizarre. Voyez-vous? Je vais vous donner un exemple très simple. Je connais une personne. J'ai été plusieurs fois rendre visite à cette personne-là. La personne vit ici, aux États-Unis. C'est un Américain. Mais je vous dis que ce monsieur-là peut vous réciter tous les livres du monde. Ah, ça, il connaît même plus que moi, du point de vue livresque. Oh là là! Même quand je fais mes vidéos, il va venir ici, il va commenter, il va dire, mais en tout cas, mais je suis même surpris, hein. Il vous donne des détails, le gars est trop éveillé dans toutes les dimensions. La dernière fois, j'ai voulu donner un enseignement sur la planète Saturne, quand j'étais en train de parler de certains éléments, or il ne savait pas que moi, je suis initié dans la Kabbale. Il a commencé à dire oui, mais la planète Saturne a telle température, et ceci, cela, nous ne croyons pas qu'il y a trop de cohérence dans ce que vous dites, que vous pouvez voyager en esprit, vous retrouver là-bas. J'ai dit, mon petit, tu as trop de connaissances, c'est bien beau. Mais pardon, l'esprit est capable de fusionner dans n'importe quel élément de la nature. D'accord? L'esprit n'a pas peur du feu. L'esprit peut traverser le feu. L'esprit peut traverser l'eau. L'esprit peut rentrer dans la terre. L'esprit peut voyager dans l'air. Donc, ce que tu racontes là, laisse. Voyez-vous? Je vous le répète que ça, c'est quelqu'un qui a la conscience éveillée. Il connaît tout de l'égyptologie. Il connaît tout de toutes les régions du monde. Mais c'est le plus grand bordélique. Toutes les femmes qui passent, il ne peut pas laisser tomber ça comme ça. Il faut qu'il arrête. Et c'est quelqu'un qui boit. Il prend les alcools. Et pourtant, il a éveillé sa conscience. Hein. Vous rentrez chez lui, je ne connais pas quelqu'un qui a une bibliothèque. Moi, avec mes 310 livres que j'ai laissés au Gabon et quelques-uns ici, ici, j'approche maintenant les 180 livres. Non. C'est rien devant lui. Il a tout. Il a même les programmes qu'il a créés. Tout. Mais est-ce que ce mec-là est transformé? Transformé veut dire, est-ce que les connaissances, l'éveil de la conscience qu'il a eu, a impacté au moins son esprit dans sa vie pour être un meilleur citoyen dans la société? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens comme ça autour de vous? C'est des grands tchatcheurs? C'est des gens qui prétendent connaître tout? C'est le mec qui il vous prêche l'évangile? Je vais prendre le cas, par exemple, que mes frères religieux me pardonnent. Tous les dimanches, voilà le pasteur qui prêche. Il est devant le pupitre. Il est ceci, il parle, il fait des grandes tchatches, tout ça. Il fait des bonnes actions. Il va jusqu'à délivrer les gens de la mort. Ah oui, moi je connais des gens qui les ressuscitaient. Il y a un pasteur ici, on est obligé de le faire mourir. Monsieur de Laurence, dont sa maison existe encore en Indiana, ressuscitait les morts. Il donnait l'argent dans les charités. Monsieur Charles Taze Russell, le premier fondateur, président de l'association des témoins de Jéhovah, de Watchtower Bible and Tract Society. C'était riche. Le juge Rutherford. Rutherford était le deuxième président de l'association des témoins de Jéhovah. The Society of the Jehovah's Witness Tract and Society, Bible and Tract Society. George Rutherford. Ses parents étaient des milliardaires en CFA, des millionnaires en dollars. Il était juge. Mais il a conçu une maison pour faire venir Abraham pour habiter dans la maison. La maison existe là-bas, ceux qui doutent, à San Diego. La maison est là jusqu'à présent. Il avait conçu cette maison, il disait que non, Abraham va revenir en 1935. Il avait dit, Jésus va venir en 1914. Mais, c'est des gens qui ont éveillé leur esprit dans les connaissances, mais est-ce que réellement ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité? Ils ont tout nos ridicules, lui-même Rutherford quand il est mort, mais c'était compliqué. Il fallait qu'on cache son corps parce qu'ils ont amené des mensonges pour dire qu'en 1975, ce serait la fin du monde. Bref, pardonnez-moi. Vous pouvez avoir des gens qui ont éveillé leur conscience par des connaissances. Quand vous avez accès à la Watchtower Bible and Tract Society, c'est-à-dire le Réveillez-vous, bien la tour de garde des témoins de Jéhovah, moi j'ai bénéficié de la formation de la théocratie, ça m'a aidé et c'est ce qui me permet aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Parce que je sais comment on prend les points saillants, je sais comment on prend des sujets, je sais comment captiver l'attention du public. Et quand j'étais témoin de Jéhovah, j'allais jusqu'à prêcher devant des milliers de personnes dans le stade, je m'en souviens, à Malabo. Je le faisais au Gabon, je faisais... Bref, donc, il y a ce côté positif. Mais, ça, c'est simplement l'éveil de la conscience. Mais ça n'est pas nécessairement la transformation. Ça ne m'avait pas empêché d'être pris au piège par une sœur jusqu'à forniquer, jusqu'à faire des enfants qui plus tard l'a avorté, tuer les enfants. Donc, il y a bien une grande différence entre l'éveil de la conscience, l'éveil de la conscience étant... Ce qui veut dire vous donner accès à la connaissance. Tout ce qui vous donne accès à la connaissance, qui éveille votre curiosité, c'est ce qu'on appelle l'éveil de votre conscience. Il y a une différence avec la transformation. La transformation est tout simplement, une fois vous avez eu accès à ces connaissances-là, il est grand temps maintenant que vous faites le travail de mutation. Et ce travail de mutation veut dire que vous devez maintenant observer les assises initiatives. Vous avez eu accès à beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de livres, mais votre vie, elle est carboignée. Vous êtes toujours un fornicateur, vous êtes toujours un adultérin, vous êtes toujours alcoolique, ou du moins, vous faites le désordre dans votre vie, mais entre-temps, vous êtes quelqu'un armé de connaissances. Donc, vous êtes d'avis avec moi qu'il y a une grande différence entre l'éveil de votre conscience et la transformation totale de votre être. En réalité, il ne devait pas avoir cette différence. Mais malheureusement, après une observation auprès de la société, auprès des humains, auprès des gens avec qui je discute, et également les gens que je fréquente intellectuellement, spirituellement, et vous-même pouvez le voir, dans la plupart des grandes loges. Hein? Et pourtant, on nous dit que quand vous rentrez dans la loge maçonnique, c'est la fraternité. Ça, ce n'est pas faux. Mais une fraternité qui est réservée uniquement entre nous membres, entre les frères de la loge et les sœurs. Hein? Mais allez-y savoir qui sont les plus grands bandits. La plupart des cas. Bon, là, je respecte mes frères maçons américains puisque je les fréquente, je les connais depuis près de bientôt 20 ans. Mais allez-y voir ça en Afrique. Les frères maçons, au contraire, les gens même les traitent de sorciers, les gens ne veulent même pas les approcher. Ils sont là, les ventres grossissent n'importe comment. Or, quand vous avez eu accès, n'est-ce pas, à la connaissance qui a éveillé votre conscience, mais de un, vous saurez comment entretenir votre corps. Voyez-vous? Moi, je lutte pour toujours maintenir. À un moment, quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis parti de 75 kilos à 88, presque 90 kilos. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Je me suis battu. Alors, je vous parle là. Je lutte entre 79 et 80. Et je fais tout pour garder mon ventre toujours plat, plat, plat. Parce que je sais que la force de l'homme, c'est au niveau du ventre. Parce que votre ventre, si ça se bourre de graisse, ça peut vous entraîner des pannes, des toutes... Vous savez de quoi je parle, chez les hommes. Ça peut vous entraîner plein de problèmes. Donc, l'éveil de la conscience par rapport à la transformation, il devait avoir une relation sine qua non dans la logique spirituelle. Il ne devait pas avoir une différence. Mais malheureusement, de manière générale, aujourd'hui, nous notons la différence. Et cette différence, elle est notoire auprès des canards boiteux, c'est-à-dire des frères et sœurs qui sont des initiés, qui rentrent dans des grandes écoles de connaissances. Ils ont accès à la véritable connaissance. Mais malheureusement, une fois qu'ils sont là-dedans, ben, ils sont les premiers à ne pas montrer le bon exemple. Ils sont les premiers qui ne sont pas des bons citoyens. Voyez-vous, ils sont les premiers, pourtant, ils sont à l'église le dimanche. Les jeudis, ils sont au temple des maçons. Les vendredis, ils sont au temple des Rosicruciens. Mais ils bénéficient de plus grandes connaissances mystico-spirituelles. Quelles connaissances peuvent le transformer? Mais malheureusement, ils refusent de se transformer. Ces gens-là refusent de se transformer seulement parce qu'il y a un problème qui ne va pas. Eh bien maintenant, je vous ai dit qu'il y a une différence, oui. Maintenant, pour ceux-là qui ne veulent pas accepter cette différence, que faut-il faire? Comment éviter, comment faire en sorte que l'éveil de ma conscience ne doit pas être différent de la transformation? Parce que dans le cycle initiatique normal, j'éveille ma conscience, j'éveille mon esprit. Naturellement, je dois me transformer. Naturellement, je dois changer ma vie. L'apôtre Paul, dans les biblistes là, il dit quoi? Dans Romains chapitre, dans Galates chapitre 5, il parle de cette alchimie intérieure, de cette alchimie interne autant pour moi, de cette alchimie de la transformation, donc la destruction du vieil homme. C'est ça la transformation. Mais le même, les livres saints, que ce soit la Bible, le Coran ou le Vendée Vesta, nous parle de quoi? Avoir accès à la connaissance, c'est apprendre à se connaître soi-même d'abord. Or, dans la plupart des cas de personnes qui éveillent leur conscience, ils refusent de se connaître eux-mêmes. Ici même, sur cette même chaîne, je vous avais montré une technique qu'on appelle la technique de la croix, n'est-ce pas? Sur cette croix, je vous ai demandé de tracer d'un côté, mettre le négatif et de l'autre côté, mettre le positif sur cette croix. Et c'est cette fameuse croix dont les chrétiens parlent, que c'est sur cette croix que tout a été pris. Donc vous devez tout mettre sur cette croix-là. C'est un langage allégorique. Venez avec tous vos fardeaux. Venez les décharger au pied de ma croix. Si vous ne verrez pas que je prendrai tout, déchargez tout au pied de la croix. Mais vous, en tant que mystique, vous déchargez tout sur la croix, mais c'est par rapport au travail alchimique que vous faites. Ce travail alchimique que vous faites, ce travail alchimique que vous faites, pardonnez-moi parce qu'il y a mon petit-fils qui me distrait, ce travail alchimique que vous faites, c'est de détruire votre vieil homme. Mais la destruction du vieil homme, c'est ça qu'on appelle la véritable transformation. Donc, bref, il ne devait pas avoir une différence. Maintenant, la question que je viens de poser pour ne pas perdre mes idées, comment créer le pont de avoir accès, disons, de l'éveil de votre conscience à la transformation? Bon, moi je dirais c'est peut-être trop simple, peut-être parce que je dirais que c'est simple parce que je suis là-dessus, ça fait près de près de 1974 jusqu'en 2021, ça fait combien? Ça fait 47 ans, d'accord? Je pourrais dire que c'est facile, mais non, mais les premières années, ce n'était pas facile. Voyez-vous? Donc, il devait avoir normalement un lien au lieu d'avoir une différence. Mais la différence, c'est du fait qu'il y a la matière qui nous combat tous les jours. Il y a les terrestrités humaines. Il y a les passions humaines. Il y a le monde environnemental. Mais les maîtres nous mettent, les maîtres nous demandent pas, les maîtres invisibles, hein, quand je parle de maîtres, ce sont mes maîtres invisibles là-bas, ils me disent que ce n'est pas nécessaire d'aller se cacher dans un monastère. Parce qu'il y a beaucoup qui disent ça. Non, moi, je crois que c'est trop dur pour moi. Je vais démissionner, comme les témoins de Jéhovah avaient demandé à certaines personnes en 1974, que en 1975, la fin du monde va venir. Rendez tout, liquidez tout, quittez le monde. Et je m'en souviens moi-même, on m'avait interdit de faire mes études supérieures. Ce n'est pas un mensonge. Ceux qui me connaissent au Gabon, ils connaissent mon histoire. Que non, il ne faut plus continuer les études universitaires, ce n'est pas bon, parce que la fin du monde va approcher. Il faut aller prêcher les gens, ainsi de suite. Donc, on fuit. On veut fuir les réalités du monde pour aller se cacher et se réfugier dans une montagne. Ce n'est pas ça. Les maîtres invisibles nous disent que c'est là. Il faut affronter la réalité. Et c'est quand vous affrontez cette réalité que vous êtes un véritable homme fort. Il faut confronter les réalités. D'accord? Bon, certains diront, oui, mais maître, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Je laisse cette question-là. Maintenant, à vous de me poser des questions. Est-ce que vous pensez que cela est possible, en éveillant votre conscience, de vous transformer? Est-ce que c'est possible? Bon, maintenant, si ce n'est pas possible, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche donc de vous transformer? Le débat est ouvert. Je vous accorde la parole. Bon, j'espère que la batterie va tenir longtemps. Donc, le débat est ouvert. Allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que je sais que la majorité parmi vous, beaucoup d'entre vous là, Vous avez plein de connaissances. Il y a certains même qui ont mangé le bois sacré comme moi, qui sont initiés, mais ils partagent toujours dans les conneries. Il y a certains qui sont des maîtres des Mbanja, ils sont propriétaires des temples, mais tous les Mabanji se mènent à leurs femmes. Tous les Banji sont devenus leurs femmes. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est un phénomène de transformation? Non. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de vous transformer? C'est la question. Donc, j'attends vos questions sur cette thématique. Avant que je continue le débat. J'attends votre réponse. J'ai balancé la question, là. Vous êtes d'accord avec moi que... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en réalité, lorsqu'on éveille notre conscience, on devait également se transformer? Êtes-vous d'accord avec moi? Mais, oui, on peut se transformer, mais cela est compliqué. Mais qu'est-ce que vous trouvez de compliqué? Maintenant, j'attends vos questions. Voyez-vous, je ne suis pas égoïste, hein, je ne viens pas seulement parler seul. Je vous adresse donc, je vous donne l'opportunité de pouvoir parler. Allez-y, il y a déjà une personne qui a fait une intervention, j'attends le reste. Nous allons prendre une petite pause de 4 minutes avec Maman Prisca et je vais répondre à vos préoccupations. Na mulenda kosongola na bolenda kuwa una wao. Merci beaucoup à Maman Prisca. Et effectivement, voilà, le débat est devenu intéressant. Chacun a donné son point de vue. Maintenant, nous allons écouter le point de vue de tout un chacun et tomber en harmonie. Bien. Nous allons donc commencer par le commencement. Voilà Christ qui nous dit, c'est très possible de se transformer, maître. Vouloir ses pouvoirs, toujours garder l'état d'esprit intègre. Voilà, Christ a parlé de l'intégrité. Et souvenez-vous, dans mes enseignements, je parle toujours de la discipline. Parce que la transformation, pour pouvoir connecter votre éveil de l'esprit avec la transformation, il faut mettre beaucoup de discipline. Vous en souvenez, j'en parle. Les cinq règles. On nous parle de discipline, on nous parle de persistance, on nous parle de constance, on nous parle de patience, on nous parle... Christ vient de souligner l'un des mots. L'intégrité. Bien, maman dit ici quoi? Oui, on est d'accord avec toi, il n'y a pas de complications. J'espère bien, maman Henriette. Bravo. Donc, il n'y a pas de complications. Ce n'est pas normalement difficile. Si votre esprit est déjà éveillé, vous êtes armé de connaissances, alors vous êtes transformé totalement. Donc vous ne devez plus vivre dans le désordre. Vous ne devez plus faire le banditisme. On ne doit plus se plaindre de votre comportement dans la société. On devait voir de vous des bons citoyens. D'accord. Effectivement, serviteur, la transformation doit découler de l'éveil de la conscience. C'est vrai. C'est tout à fait une logique. Mais voyez, au début de mes propos, j'ai posé une question que est-ce qu'il y a une différence entre l'éveil de la conscience et la transformation. Alors, je disais oui, à une condition, c'est lorsque votre personnalité trahit l'éveil de votre conscience. La personnalité, c'est-à-dire étant l'expression même des enseignements qu'on vous donne, mais vous ne voulez pas et vous refusez d'appliquer ce que l'éveil de la conscience vous demande de faire. Parce que votre esprit maintenant est debout. Et l'esprit vous pousse à faire des choses, mais vous vous opposez. D'accord. La transformation est difficile. Si l'entourage, ça c'est Johan, Johan nous dira ceci. La transformation est difficile si l'entourage direct n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Ou bien, si de temps en temps on passe à vous juger, ils ont du mal à comprendre que quelqu'un puisse être irréprochable. Johan, c'est une bonne remarque. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une raison pour vous de fuir, aller vivre dans les montagnes ou bien de devenir un moine. Maintenant, si les gens n'arrivent pas à vous comprendre, même... Chacun de nous ici était quelque part chrétien au départ. Même au niveau des églises, même au niveau de la Bible, pardon. Jésus des chrétiens avait dit quoi? Il avait dit qu'on ne peut jamais naître prophète chez soi-même. Jamais. Les gens vont toujours douter, les gens vont toujours vous persécuter. Et que la plus grande persécution viendra de votre propre maison. La preuve en est qu'Horus, il a été détesté par son propre grand frère, celui qu'on appelle Seth. D'accord. Donc je suis d'accord avec vous. Mais... l'entourage, ne vous laissez pas justement influencer par l'entourage. Faites tout le possible pour que tout ce que l'entourage va dire de vous, je vous ai toujours dit, est-ce que je vous ai dit que l'initiation est facile? Est-ce que je vous ai déjà dit une fois ici là que si vous rentrez sur le cheminement, l'initiation, tout va être facile? Non! Au contraire, il y aura plein d'incompréhensions. Moi, je vous parle par expérience. Je suis parti, même dans mon foyer, j'ai eu des problèmes graves, j'ai été accusé de tout. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous dis que c'est compliqué, ce n'est pas facile. Et pourtant, les gens me voient, je suis en conférence, je suis dans des séminaires, je voyage à gauche, à droite, mais ça n'a pas fait de moi un homme heureux dans son foyer. Il faut être honnête. C'est moi pourquoi? Parce que la personne vivant avec moi n'a pas de compatibilité absolue avec les principes et avait élevé de ma conscience et de connaissances. Donc, ce n'est pas facile. Personne ne vous a dit que c'est facile. Voyez-vous? Donc, c'est là où il faut prendre des décisions. Vous gardez votre intégrité, et c'est là où les gens me prennent de fou, que ce n'est pas normal, comment tu vas être trop dur vers les autres comme ça. Mais non, ils ne savent pas qu'on prépare une autre vie. D'accord? Je vais continuer. Maintenant, mon fils Bernard nous dit quoi? Maître, peut-on dire que l'éveil de conscience, quand cela passe par trop d'intellectualisme, sans retenue, l'ego... renforcer, empêche la transformation. Mais bien sûr, tu as la réponse à ta propre question. Vous ne pouvez pas. Soi-disant, vous avez des grandes bibliothèques bourrées de livres, avec plein de connaissances, Vous êtes là, vous donnez des leçons. Genre, vous dites moins de choses, je connais. Dans le yoga, je connais. Dans le bouddhisme, je connais. Dans le bouddhisme, je suis dedans. Dans la Rose-Croix, je suis chef. Mais si votre, comme tu le dis, si tu as de l'intellectualisme sans retenue et que l'ego est renforcé par cet état d'esprit, mais bien sûr, vous ne pouvez pas accéder à la transformation. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui a un esprit éveillé. Mais les gens qui sont autour de vous constatent par contre que vous êtes nerveux, vous êtes bizarre, vous n'avez aucune retenue, des fois on ne vous comprend plus ou bien vous êtes devenu fou. Mais dans ce cas, vous comprenez qu'il y a des gens comme ça qui sont armés de connaissances. Mais malheureusement, leur comportement est vraiment un comportement indésirable. C'est un comportement qui frustre les collègues ou les frères et sœurs, les familles. Vraiment, merci Bernardo pour cette question. Les connaissances sans pratique ou bien les expériences ne peuvent être prouvées. Bien sûr, merci beaucoup Madeleine pour ce point de vue. Cela, je le respecte. Une connaissance sans pratique, ça n'a pas de sens. Même les chrétiens, l'apôtre Pierre dit dans, je crois, 1 Pierre 3, verset 18 ou 12, que mon frère, toi là, qui parles trop, parle par les actes, mais pas par la parole. Donc, même les religieux le disent. Bonsoir maître, notre problème est la mise en pratique de ce qu'on apprend qui passe par une adaptation par rapport à notre vie quotidienne et aussi les outils pour dominer notre vieil homme. Oui, ça cela est vrai, mais voilà pourquoi j'ai créé les forums et c'est justement, je constate que ces forums là dorment. C'est là-dedans dans les forums, si vous avez des problèmes de progrès, j'apporte ces connaissances tous les jours, nous les partageons, mais s'il y a des problèmes personnels qui vous préoccupent, si vous avez honte de les partager dans les forums, vous me contactez en privé. Mais il y a tel problème. Moi, je n'arrive pas à m'en passer du mensonge. Moi, je n'arrive pas à m'en passer du sexe. Je suis esclave du sexe. Mais pourtant, mon esprit est éveillé. Oh, mais moi, c'est l'ego. Comme le disait mon fils Bernardo, l'intellectualisme. Parce qu'on a trop appris, on a trop plein de doctorats. Ben, les sages ne se sont pas trompés que quand on a des connaissances scolastique, ça peut étouffer la véritable connaissance spirituelle. Oh là là, ce sont les maîtres qui viennent me dire. Ce sont les maîtres qui viennent me parler. Trop de connaissances scolastiques, c'est-à-dire des connaissances qui ont été sanctionnées par des écoles conventionnelles. Donc les universités et tout, 1001 doctorats. C'est différent de la connaissance véritable et transformatrice, de l'éveil de votre conscience en connexion avec les principes de Theta Mwanga. C'est complètement différent. Donc, il faut avaler l'ego. Oui, il faut avaler votre ego. Les désirs et l'envie nous empêchent de nous transformer. Mais justement, William, les désirs et les envies, lorsque vous êtes sur le cheminement spirituel, vous verrez que les désirs vont s'augmenter. Les désirs vont s'aggraver même. Ça fait partie des épreuves que les grands maîtres vont vous mettre sur votre chemin. Les religieux appellent ça, Dieu est en train de vous mettre à l'épreuve. Et l'apôtre Paul a été gentil de dévoiler le secret dans le livre de Galates, chapitre 5. Écoutez, la Bible n'est pas forcément une propriété chrétienne, comme je l'ai toujours dit. Essayez de lire ce livre-là, de Galates chapitre 5, vous verrez, on vous dévoile à nu les œuvres de la chair et les œuvres de votre esprit. Parce que la chair peut bloquer l'éveil de votre conscience. Et justement, c'est ça qu'on appelle les désirs et les envies. L'intérieur doit avoir son reflet à l'extérieur. Effectivement, l'extérieur, c'est la personnalité. Et l'intérieur, c'est votre personne, c'est votre esprit que vous développez. Merci beaucoup. Le rattachement et la tentation au désir du matériel. J'en ai parlé effectivement à Erpin Kumba. J'en ai parlé, c'est ce que j'appelle les terrestrités humaines. Cette terrestrité humaine, ce sont les passions de tous les jours. Les ambiances de se retrouver dans les cercles de Musungu, de se retrouver dans les bars, boire la regard, de se retrouver auprès des petites. Ce désir que vous n'arrivez pas à éteindre, le feu qui vous tire toujours vers le sexe, vous n'arrivez pas à supporter les fesses d'une femme qui bouge ou la poitrine d'une femme qui bouge. Hein? Tout cela, c'est vraiment fort. Alors, Franck nous dit quoi? Mais Rengila nous dit l'ego, l'indiscipline et parfois la paresse, le travail sur soi. Oui, l'ego, l'indiscipline. Souvenez-vous, je vous ai donné la liste. La discipline, la constance dans le travail. Et ensuite, créer des ambiances comme ça s'est passé il y a 2 ans. Les gens posaient beaucoup de questions dans les forums, mais là, je constate que c'est silencieux. Rassurez-vous que même si je suis à Paris, même si je suis en Russie, ce téléphone-ci est en contact dans tous les forums. Posez des questions. Alors, Franck nous dit quoi? Pour ma part, je dirais que l'homme vit dans les deux mondes de part de sa constitution, monde physique et invisible, d'où l'importance au parfait équilibre. Oui, l'équilibre, c'est ça. c'est de tenir compte de l'influence de la matière, c'est de tenir compte que, maintenant là, l'équilibre, attention Franck, moi je n'aimerais pas que ta compréhension soit mal interprétée, parce que si on dit l'équilibre, ça, je suis dans le monde spirituel, il n'y a pas de problème. Et puis, petit papa, il a besoin d'une femme, hein, quel que soit l'âge, même à 90 ans, hein, il est capable de se mettre debout, on a nos plantes de chez nous, et puis ça dépend là, de tous les organes qui sont dans mon corps, le cœur, les reins et tout, si ça fonctionne bien. Donc, toute petite, je dois sauter dessus. Ça, ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est attrape-toi une seule femme. Bon, si tu es fort, tu peux prendre les deux ou trois et s'entendre. Vous êtes tous dans la même maison. Maintenant, là, tu es équilibré. Mais l'équilibre, ce n'est pas tu es là, tu es maintenant un homme spirituel, tu prends le téléphone, tu appelles la pauvre mariée, tu l'agresses, tu l'harcèles, ou bien tu vas draguer les petites au quartier. Non, là, ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, il faut comprendre que nous ne devons pas être maintenant extrémistes. Parce que je suis homme spirituel, je ne dois plus parler avec les gens. Non, moi, les gens me trouvent peut-être antisocial. C'est faux. Au niveau du travail, c'est vrai, quand ils me voient, ils ont un peu peur. Ah, le sorcier. Mais j'aime leur faire des blagues. Je leur fais des blagues. Mais ils me disent, mais mon Dieu, donc tu es un humain comme nous. Ils sont étonnés. Donc, on doit créer cet équilibre. Mais, malheureusement, pour ceux qui me connaissent, je suis trop ferme et strict. Et ça fait peur beaucoup de personnes. Et c'est comme ça la vie. On ne peut pas changer ça. Maintenant, Brice nous dit quoi? La matière, le sarcophage, oui, dans la quête de plaisir charnel, nous ralentit, bien que sans elle, on ne peut pas se transformer. C'est la vérité, Brice. Le plaisir charnel et autres, les désirs de tout genre, à cause de l'élément eau et de l'élément air, ça nous influence beaucoup, c'est vrai, mais il faut toujours créer l'équilibre. Et de ce fait, rentrer, rentrer dans l'école de l'équilibre, voilà. Parce que en étant vous-même le milieu, le pilier des deux équilibres, comme le dit l'enseigne la Kabbale. Maintenant ici, Valérie nous dit quoi? Comme le stipulent certains enseignements tibétains, pour être transformés, ils doivent passer par des phases de délivrance, comme la voie des grands ascètes, des ascètes, des prises de conscience. Oui, eux, ils ont leur langage, j'appelle ça les ascèses initiatiques. Merci beaucoup Valérie. Les ascèses initiatiques sont autant des voies et moyens qui vous aident justement à traverser ces rivières dangereuses, à monter, à affronter le dragon, à pouvoir réveiller les sept chakras, à pouvoir traverser et réveiller le kundalini, le serpent de feu qui commence maintenant à monter. Mais vous savez, la base de tout c'est quoi? C'est votre sexe, c'est votre appareil génital, parce que le premier chakra se trouve là-bas. Et pour cette raison, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Initiés du Bouti, les rosicristiens, les francs-maçons, toujours aller derrière les femmes, derrière les femmes. Mais parce qu'ils ne savent pas maîtriser ça. Une fois que vous avez réussi à maîtriser ça, moi je vous avais dit que c'est le premier chakra le plus difficile à maîtriser. Une fois que vous avez traversé, c'est fini. Vous êtes libre d'aimer les femmes. Mais si vous concentrez trop l'énergie là-bas en bas, vous serez esclave de ça. Pourquoi vous êtes esclave de ça? Mais c'est parce que vous avez empêché l'éveil du premier chakra, même si vous êtes éveillé spirituellement. Now, what's your question here? I know I came late, but I think it's hard. As long as you stay focused on the positive goals, yes, it's possible. Yes, Pat, that's what I just said. Everything is possible, but you get to create, like the people, some of your folks here saying, we have to make the balance. But that balance is not easy. Look, listen, if you live with somebody who don't believe in your system, it's going to be a hard part. Like in some days, you need to meditate. Some days you need maybe to have a special connection with your ancestors. Some days you need to purify yourself. Like I've been out here, I went to the jungle, I went there and talked to the mother nature, you know. And this old Indian lady, Native American, this is what she gave me. C'est une vieille maman indienne, la mère indienne, elle m'a donné ça. So, you know, c'est le bénéfice de la vie. On a partagé. Elle m'a donné des paroles de sagesse juste après que j'ai fini mon live sur la page Facebook. C'est créer l'équilibre. Mais pour créer cet équilibre, voilà pourquoi la dernière fois j'avais dit que c'est mieux de vivre avec une personne qui a la même compréhension, de vivre dans le Christ, comme l'apôtre Paul a dit. Si vous voulez vraiment bien évoluer, mariez-vous uniquement dans le Christ. En d'autres termes, mariez-vous uniquement dans la lumière, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est branché sur le même principe que vous. Parce que cela aussi est un blocage. Maître, que signifient les maux de tête? Oh yo, vous nous amenez les histoires des maux de tête. Oui, il y a des pratiques pour calmer ça. Il faut parler à ton corps, parle à ta tête. maintenant, le mal de tête, les maux de tête, là, il faut préciser, hein, parce que nous avons quatre points cardinaux sur votre tête. Si c'est le côté gauche, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie qui vous guette, c'est-à-dire que c'est un band de voyous qui est en train de faire des incantations sur vous. Je répète, si c'est le côté gauche. Si c'est le côté droit, eh bien, c'est tout simplement une petite fatigue migranique, donc c'est des petites migraines. Si c'est au centre de la tête ici, ça veut dire que vous avez une grande fatigue. Mais si c'est derrière la nuque là-bas, ça veut dire peut-être que vous avez faim, il faut boire quelque chose. Donc il y a des significations énormes, hein. Il y en a plusieurs catégories. Donc il s'agit de pouvoir localiser quel genre de mal, le mal de tête et de quelle origine. Est-ce que c'est d'origine du côté gauche? Est-ce que c'est au centre? Est-ce que c'est derrière la nuque? Est-ce que c'est à droite? Donc il y a une étude là-dessus. Et allez-y sur Google, Google va même vous aider pour vous déterminer cela. Donc à propos des maux de tête, hein, pas d'inquiétude. Mais je répète que les maux de tête les plus dangereux, c'est du côté gauche. Bien. Vous ici, vous dites quoi? Oui, avec un minimum d'honnêteté. Laissez-moi le mot, mais Maman Sodolo. Maman Sodolo, Laetitia. Vous parlez de minimum? Non, maximum d'honnêteté. Il faut un maximum d'honnêteté dans la pratique spirituelle et de l'éveil de votre conscience. Parce que si vous partez avec le minimum là, les démons vont dire, ah bon, toi tu viens avec le minimum, mais tu vas bien voir. Votre ancien copain, votre ancien compagnon, parce que vous avez les enfants. Marguerite. Oh, Georges, c'est comment? Oh, tu sais que c'est l'anniversaire de l'enfant, non? Mais oui, Georges, je sais, c'est quoi? Je dis, ton gars est là. Vous voyez? Ça là, vous faites comment? Donc c'est pour cela qu'il faut un maximum d'honnêteté. Hein? Si vous commencez à avoir des conversations comme ça avec votre ancien, le père à vos enfants, ça c'est pas bien. C'est déjà pas recommandable. Voyez-vous? C'est compliqué, hein, maman, la spiritualité. Donc il faut un maximum d'honnêteté. Oui, maman Henriette a raison. Le doctorat ne dit rien. Maître, pour nous initiés traditionnels, c'est difficile. Le maître n'enseigne pas. Oh, le maître n'enseigne presque pas comme vous le faites. C'est pourquoi nous stagnons. Bah, c'est Béranger, c'est vrai. Parce que là-bas, on va forcément vous mettre de. Et puis voilà, on fait manger le bois sacré. Et puis, bon, tiens, oui, c'est bon, allez, on y va. Et même lui-même, hein, le Nganga, lui-même, le Nima même. Hein. Bon, Marguerite, je te verrai tout à l'heure. Là. Oh. Marguerite, elle a bandi, elle est venue. Maintenant, à la fin, on drague encore. Donc, déjà, même mes frères, moi, je ne vous cache pas, hein, ils le savent, que sur ça, là, je n'ai pas une guerre avec eux, mais je leur fais le reproche tous les jours. Que montrer le bon exemple. Un véritable maître, le mot le dit, c'est celui qui a la maîtrise de la matière et de l'esprit. Vous comprenez? Donc, vraiment, je comprends. Côté traditionnel, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Mais voilà pourquoi vous avez eu la grâce d'avoir un maître, un frère comme vous. Moi, je suis là. Je suis initié de nos traditions et j'ai des problèmes avec les autres parce qu'ils voient que moi, je connais l'histoire de sexualité ou quoi. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je suis un homme. Il faut que je bande, je ne suis pas mort, pardonnez-moi. Mais je dois le faire dans le cadre d'une femme, seulement avec moi. Moi, je n'encourage pas la délinquance. Maintenant, si j'ai une à mes côtés, je dis, bon, maman, toi, tu es fatigué tout le temps. Allez, donne-moi, amène-moi deux personnes que tu connais ou tes cousines ou quoi, là, selon la tradition au Bali. Là, on s'arrange. Mais la délinquance dans les milieux traditionnels, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Voilà pourquoi profitez-en des enseignements que je donne ici. Bon, maman Sodol, Laetitia revient encore. Elle dit quoi? La complication pour moi, c'est de devenir le plus simple possible avant de commencer par ma pratique. Moi, je prends des connaissances, je vois les transformations petit à petit, travail de longue haleine. Ah! Non. Maman, toi, ton problème, là, tu es trop exigeante. Évitez d'être exigeante et trop dure avec vous-même. Dans la pratique spirituelle, évitez d'être trop dur avec vous-même. Vous comprenez? Il faut aller étape par étape. Parce que quand vous dites moi, c'est de devenir le plus simple possible. Non. Ce n'est pas ça. L'objectif de l'initiation, ce n'est pas de devenir saint automatiquement. Non. La preuve, moi, je vous dis, moi, j'ai fait les enfants dans le désordre à gauche, à droite. Mais j'ai déjà avancé dans les connaissances. Ou bien peut-être parce que j'ai connu les femmes en retard. J'avais 26 ans. C'est là où, pour la première fois, je trouve la femme nue. Mais. Et pourtant, j'étais dans la connaissance. Bon, ce n'était pas le désordre. Je n'étais pas encore marié, mais je rencontrais une. Mais après, quand des comptes, je vais chez l'autre, et ainsi de suite. Donc, je n'avais pas la maturité. Mais, il y a au moins de cela 25 ans, j'ai compris que non, il faut que je me concentre. Voyez-vous? Parce que mon dernier enfant, je crois, il aura bientôt 25 ans, le plus jeune. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Évitez de trop être exigeant sur les histoires des saints, là, maman Sodola, Laetitia. Oui, on prépare une autre vie, ce que j'apprends aujourd'hui, à apprendre dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir tous participé. Que Tete Monga vous bénisse. Parce que là, il y a la pluie qui menace. Vous voyez derrière moi, bon, vous ne pouvez pas le constater. Il y a... Comment on appelle ça? Tout est en train de changer là. Donc, voyez, on a parlé dans le temps. Voilà, exactement une heure. Merci. 1h05. Je vous remercie tous donc d'avoir été avec moi. Et que Tete Monga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Voilà une question, nous avons trouvé la réponse pour conclure que en réalité, il ne devait pas avoir une différence entre l'éveil de la conscience et la transformation totale de votre être. Il ne devait pas y avoir. Mais souvent, on note la différence. Pourquoi? Parce que les gens refusent de se transformer. Ce n'est pas qu'ils refusent, mais parfois, ceux-ci, après avoir revu ensemble notre discussion de questions-réponses, eh bien, la conclusion qui sort, c'est que l'éveil de la conscience, l'éveil de notre esprit est souvent confronté à des problèmes. Voilà pourquoi la transformation est difficile. Et ces problèmes partent d'abord de nous-mêmes parce que nous n'en mettons pas une discipline dans notre vie. Et pas de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas constants dans le travail. Et pas de nous-mêmes, selon l'expérience de maman Laetitia, mais parce qu'on essaye, on veut être trop saint, on exige de la sainteté, on est trop dur sur nous-mêmes. Cette transformation n'est pas possible aussi parfois à cause de l'environnement dans lequel nous évoluons. Cet environnement donc peut nous bombarder beaucoup de difficultés, peut nous mettre face à des difficultés au point où ça va être difficile pour nous d'évoluer. Mais nous sommes arrivés à la bonne conclusion et il y a aussi le problème de l'ego. Hein? Quand on a l'ego, quand on est orgueilleux, quand on exhibe trop ses valeurs intrinsèques intellectuelles, quand on parle trop des diplômes, parce qu'on a mis un doctorat, parce qu'on a mis un volume de connaissances de livres. Et parfois, ça crée inconsciemment, sans que vous le sachiez, ça va développer votre ego. Quand un homme sage vient vous parler, vous cherchez toujours à trop débattre, vous cherchez trop des débats, les débats inutiles. Et c'est ce qui fait que parfois, les gens qui connaissent sont obligés de vous esquiver. Même si vous insistez, oh, mais toi, maître, toi, on est là tous les jours, toi, tu ne peux pas voir, tu peux pas visionner ma vie. Mais en entendant, je te vois clair, mais... Parce que tu as trop l'ego et l'orgueil, tu es trop agressif, tu montres vraiment que tu connais trop et les problèmes de colère. Nous tous, nous avons les colères. Moi, je ne vous cache pas. Il y a des moments où cet esprit de colère arrive, mais je n'ai pas une colère destructive. J'ai une colère expressive plutôt sur le ton de la manière de parler, c'est-à-dire de par ma manière de parler, la personne sent que je ne suis pas content, mais pourtant, je dis des vérités. Voilà ma colère, c'est cela. Mais je ne veux pas me mettre en colère de te dire, oui, moi je ne veux plus t'entendre parler de toi, et puis c'est fini. Sous l'effet de la colère comme ça, on appelle ça des colères explosives, avec déchirure, avec offense sur les autres. Il ne s'agit pas de ça. Donc, voilà autant d'éléments. La liste, elle est longue. Et parfois même, la musique que vous écoutez, parfois même, la femme ou le mari, le partenaire que vous avez à la maison, il y a des incompatibilités, la personne vraiment vous traite de vos histoires de diaboliques, ainsi de suite. Les parents vous persécutent. Voilà, vous-même, vous avez fait le témoignage. Également, les maîtres initiateurs, voyez-vous, vous rentrez dans les écoles traditionnelles, la plupart en Afrique, elles ne sont pas prêtes à vous ouvrir les grandes arcanes secrètes du développement de soi afin de vous mettre sur le cheminement de l'intégrité, de la discipline, de la constance, de la consistance, voyez-vous, et de l'étude, de la découverte de soi-même. Parce que c'est ça le plus important. On vous a... Et d'ailleurs, j'en parle là dans mon ouvrage que je prépare sur les deux formes d'initiation, l'initiation douce et l'initiation forte, les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Mais je constate que l'initiation forte, ça c'est ce que j'écris, je crois, à partir de la page 84, j'explique ça dedans. Le livre n'est pas sorti, hein, c'est juste compilé. J'explique dedans que l'inconvénient avec les initiations fortes, c'est qu'on ne passe pas le temps à mettre l'accent sur les étapes de transformation, hein, les étapes de la désindividualisation, les étapes de la désindividualisation, hein, et de la dépersonnalisation et de la déprogrammation. On ne passe pas le temps sur ça. La déprogrammation, c'est videz votre esprit des dogmes et des doctrines, et ensuite, surtout des superstitions inutiles, mais de mettre en vous l'esprit scientifique, l'esprit d'analyse, de cohérence et surtout l'esprit cartésien. Ce n'est pas parce qu'on est mystique qu'on doit accepter tout bêtement. Donc, quand vous avez tout ceci en amont et en aval, votre initiation au niveau de nos sociétés traditionnelles africaines devait ne pas avoir un problème. Mais le véritable problème, vous l'avez dénoncé vous-même, c'est que vous rentrez, on vous fait manger le bois sacré, mais malheureusement, on ne vous aide pas à maîtriser l'éveil de Kundalini, le serpent de feu. On ne vous aide pas à comprendre les mécanismes des différentes épreuves et turbulences internes et intérieures dont vous êtes victime. Or, toute cette turbulence, c'est autant de signes qui indiquent bel et bien que le bois sacré a provoqué, en fait, l'éveil de votre conscience intérieure, a provoqué le feu qui est, comment dirais-je, à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Mais qu'il faut maintenant apprendre à être le sapeur-pompier vous-même. Voyez-vous, si le maître n'est pas capable d'être ce sapeur-pompier, il doit au moins vous donner les éléments qui contribuent à pouvoir éteindre, ou ne pas dire pour ne pas éteindre, mais calmer la montée de ce feu-là, afin que le feu monte calmement, jusqu'à ce que ça arrive aux différents niveaux. Quand ça atteint le niveau numéro 3, le feu réactive encore, vous êtes préparé. Et maintenant, vous allez calmer, et ça continue au niveau 4 jusqu'au niveau 7, et vous êtes totalement éveillé afin d'être finalement un dieu au milieu de Dieu. Donc, merci. Pour conclure une fois de plus, en réalité, il ne devait pas avoir une différence entre l'éveil de votre conscience, qui est, en d'autres termes, l'accès à l'être humain, aux connaissances véritables qui l'amènent à la découverte de soi. Et une fois vous êtes déjà à cette école de la découverte de soi et du développement des pouvoirs de soi, eh bien, la transformation doit immédiatement suivre. Car cette transformation est simplement la résultante de la mise en application des principes immuables sous couvert des ascèses initiatiques assez bien centrées et codifiées et préparées pour vous. Lesquelles ascèses donc vont vous préparer pour la transformation? Et laquelle transformation donc, au fur et à mesure que vous allez vivre cette période de transformation, il y aura également des conséquences tant dans le plan émotionnel, physique, matériel, mystico-spirituel. Il y aura des attaques parce que les vieilles scories doivent tomber. Mais pour que ces vieilles scories tombent, eh bien, effectivement, il y a une secousse. Et c'est ces secousses-là, ces secouements qui font en sorte que parfois, vous avez plus de peur que de mal, vous avez beaucoup plus de douleur que de bien, c'est-à-dire que la période qu'on appelle la période du passage des épreuves. Donc, ces épreuves-là sont faites à propos. Voilà comment finit notre débat. Et je vous remercie. Et je crois que d'ici là, portez-vous bien. Et je veux pouvoir clôturer par la chanson de Mama Priska. En tant qu'ngoziste, un bouziste autant pour moi. Et nous allons nous séparer sur cette chanson-là. Je l'aime bien. Et il faut la soutenir sur cette chanson de Bouza. Tout le monde doit la connaître. Elle est à la une en ce moment. Et j'ai l'autorisation de pouvoir la faire passer. Merci beaucoup. Merci. Oh, pardonnez-moi. Ouais. D'accord. OK. Voilà, nous y sommes. Bango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango mbili veliwa, iyo ndende, abango m Merci beaucoup à Maman Prisca. Alors, bon week-end à tous et merci. Aujourd'hui, vous avez vraiment été gâtés avec un enseignement bien préparé là sur le hibou et voilà. Et après une bonne conversation bien inspirée avec mon fils Bernardo, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous faut passer un enseignement très important. Quelle est la différence entre l'éveil de la conscience et la transformation de votre conscience? Merci donc d'être tous branchés, bien qu'on n'a invité personne, mais merci pour le peu de personnes qui sont là et inviter les amis et connaissances. faites-leur abonner, hein, et n'oubliez pas de rentrer dans les forums, surtout le Telegram, c'est celui-là qui a plus de place. Les autres deux forums sont déjà pleins. Le forum donc du Telegram, il est à votre disponibilité, il est à votre portée. Veuillez donc vous inscrire, rentrer, et que Teta Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Je verrai bien de là où je serai, si je peux vous faire d'autres enseignements. Il y en a plein. Souvenez-vous que j'avais promis un rite assez puissant pour les gens qui sont des maîtres. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'on est maître, qu'on ne peut pas être attaqué par les sorciers. Mais là, je vous signale que oui, on a vu des cas qui ont été tués. Oui. Alors donc ce rite-là, je vous le dois encore. Et il y a bien d'autres rites qui sont disponibles. Il y a des milliers de rites, mais je ne fais que sélectionner lesquels je peux mettre à votre disposition. Pardonnez le bruit des hélicos là, c'est le week-end. Donc il y a beaucoup de petits fous qui sont... Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai toujours mon arme à mes côtés là. Il y a toujours des voyous qui viennent de nulle part et puis tirent sur les gens n'importe comment. Bien, mais rassurez-vous, je suis sous la haute protection de Teta Mwanga. Et que d'ici là, portez-vous très bien. Merci encore. Merci. Merci. Et soyez bénis. Merci. Merci.